稣，愿和你的愿和你的亚巴都有那边阿索的马尼亚阿那耶 Nous te remercions au nom de Jésus-Christ pour le sacrifice sanglant du calvaire, pour le sang d'Emmanuel qui a coulé, le sacrifice tout suffisant pour l'expiation de péchés du monde entier, de ceux qui étaient vivants et de ceux qui sont vivants et de ceux qui seront vivants, tous ceux qui peuvent regarder à la croix, se souvenir du calvaire, auront l'expiation de leurs péchés dans la totalité et dans la joie. Pour cette œuvre parfaite, bien réalisée, demande de mettre par toi-même, Emmanuel Dieu parmi nous, nous t'exprimons notre reconnaissance et te prions que l'impact de cela, le retombé de cela, puisse nous être bénéfique à chacun. Que nous marchions dans le chemin des délivrés, dans le chemin et la voie des rachetés, dans le chemin des libérés, dans le chemin des favorisés, dans le chemin des protégés. les divinement protégés. Dans le chemin des enfants privilégiés. Car avant les temps éternels, tu nous avais fait grâce. Ta parole l'a dit, nous y avons crié. Aujourd'hui, il ne change pas. C'est la même vérité. Et nous en sommes reconnaissants. Accueille chaque ami qui a laissé de ses occupations, des autres attirances, d'autres intérêts relatifs à la vie terrestre pour venir t'offrir ce temps, t'offrir son esprit, t'offrir son cœur, t'offrir sa vie, t'offrir ses sentiments, t'offrir tout de lui. Agrée cela par le sang de Jésus. Laisse-moi chacun favorablement, Seigneur, selon ta promesse. Et que ce moment soit vraiment bénéfique, vraiment profitable. Descends communier avec nos esprits, communier avec nos âmes qui sont devant toi. Et fais-nous du bien indéfiniment. Bénis la réunion de ce soir. Et apporte ton secours à ceux qui traînent encore en route, afin que la flamme dans le cœur les attire plus vite ici. Car nous devons être ici 30 minutes avant le début du service pour être en prière consacrée. Père Céleste, fais cette grâce à chacun de nous de changer profondément, et que notre église aussi change profondément, pas à pas. Nous comptons vraiment sur toi sans jamais désespérer ni nous décourager. Et toi qui as commencé l'œuvre, toi qui nous as appelés, tu l'as perdu. Tu conduiras aux bons horizons, à bonne fin. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Nous lisons dans 1 Timothée chapitre 3, la Sainte Parole de Dieu. 14 et 15. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Nazali kokomela yo makambo oyo na elikia eti na koya epai na yo na tango moke soko na kuumela nano okoye banzela ekoki mpona kosalaka makambo kati na ndako na Nzambe, yango ezali nde lingomba na Nzambe na bomoi likonzi mpe etimiselo na makambo na solo. Hébreux chapitre 13, bayebelo mokapu ya zomi na misato, verset 8 et 9. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés. Jésus-Christ a zali motindo moko lobi mpe lelo mpe libela bopengwa te na mateyo na mokili mosusu na ndenge na ndenge malamu ete motema molendisama na bilei te kasi na ngolu po bango bakotambolaka na bilei bongo bakozwaka nde litomba te. Ephésiens chapitre 4 verset 11 à 14. Ba Efesa mokapo ya minei mulongo zomi na makokino zomi na minei. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus deux enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Yempe asiliko pesa makabo ete ba mususu bazala bantoma, ba mususu basakoli, ba mususu bapalangani sina sang malamu, ba mususu babate limpe balakisi, pona kobongisaka babulami, pona mosala na kosungaka pona kotonga ka nzoto na Kristo kino ekokoma biso nyonso na bomoko na kondima pe na boyebi na mwana na nzambe na mobali mobimba na ipimelo na monene na litondi na Kristo ete tozala bana mikeli susu te ba oyo ba koningana kaka pe ba kotenga tenga ka epai na mipepe nyonso na mateyo pe na mayela ya bato na bozimbisi na bango na nzela na mikano mabe. A Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir maintenant. Nous souhaitons à chaque âme bienvenue à la table du Seigneur. Notre horloge semble ne pas indiquer la bonne heure. Et est déchargé. Nous n'avons pas de bons repères là. Que Dieu nous assiste. Alors, soyez les bienvenus à la table du Seigneur. Bienvenue dans la maison de Dieu. Et nous sommes en train de partager la parole qui a la vie. Non pas la parole d'un homme spécial, mais la parole du Seigneur Dieu lui-même. Les hommes spéciaux, ils se sont crus tels dans les années passées, et même actuellement à travers le monde, il y a des hommes qui se croient trop spéciaux, et qui se donnent plus d'importance qu'ils n'en ont. Plus de valeur qu'il n'en a. Mais pour nous, Dieu est le plus important. Quels que soient les visages et les figures des hommes spéciaux, certains groupuscules des gens appelés spéciaux, ils trouveraient ces spéciaux qui les tremblent devant eux. Pour nous, Dieu est le plus important. Le Seigneur Jésus est le plus spécial. Comme il est écrit dans Hébreux 13:8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le cours des temps ne le change pas. Le changement des situations ne change pas notre cœur. Dieu reste le même. Est-ce que nos cœurs l'aiment? Nos cœurs là, dedans, au-dedans de nous, est-ce que nos cœurs l'aiment? Tel que nous a aimé lui-même. Comme on chante, je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. Devons lui offrir l'amour que lui nous a offert. Un amour prêt à se sacrifier. Pour l'autre. Lui Jésus s'est sacrifié pour nous. Il nous appartient, c'est notre tour maintenant. De nous sacrifier toute notre vie pour lui. De nous sacrifier chaque jour, chaque heure de notre vie pour lui. Mais il arrive malheureusement que nous essayons de résister parfois. En nous approchant à un peu de l'égoïsme, du sentiment trop personnel et des intérêts trop privés là. Et nous admirons des fois notre moi intérieur. Cherchant à lui donner raison même au détriment de la vérité de Dieu. Même là où la parole s'exprime montre que ce n'est pas ça. Mais le moi est tellement gonflé, il se croit tellement important. Il va chercher à se défendre pour ignorer la vérité. Mais relevons ce défi, mes amis. Nous devons nous sacrifier. Chaque heure de notre vie. Chaque jour de notre vie. Chaque semaine, chaque mois, chaque année. Nous devons nous sacrifier pour le Christ. Que son intérêt triomphe. Qu'il passe en priorité. Jésus-Christ est le même. Quand nous le servons, nous l'invoquons aujourd'hui, mais il y en a eu d'autres qui l'ont servi, qui l'ont invoqué autrefois. Il est le même Seigneur Jésus-Christ, toujours et encore le même. Ayons confiance et sachons-le. Alors, ce soir, nous avons lu à trois endroits dans la parole de Dieu trois passages bibliques exactement qui sont mis au tableau. Vous voyez là. Le tout premier parle de la maison de Dieu en tant qu'église du Dieu vivant. Et cette église du Dieu vivant qui est décrite là, Et que les jeunes en dans les contours dans lesquels le passage biblique a été rédigé, c'était l'église du Dieu vivant qui était située localement à Éphèse, là où Timothée, à qui Paul a écrit, était l'évêque, le surveillant général. Et quand nous lisons la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 1er, avant d'arriver au chapitre 3, versets 14 et 15, qui sont les tableaux que nous avons lus, pour voir le contexte, à qui est-ce que l'épître s'adressait d'abord, puisque c'est la parole de Dieu valable dans toutes les générations. Il a dit, 1 Timothée 1, verset 1 à 3, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. À Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce et la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ngolumpe mawampe kimia uta na nzambe tatampe na Kristo Yesu nkolo na biso izala na yo. Là où je veux attirer votre attention. Et si kana komenda bokebi na bino. C'est le verset 3. Izalende molongo ya misa. Je te rappelle l'exhortation que j'ai adressée à mon départ pour la Macédoine. Lorsque je t'ai engagé à rester à Éphèse. Et keyingai na Macédonia. Je te rappelle l'exhortation que j'ai adressée à mon départ pour la Macédoine. Lorsque je t'ai engagé à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Tango na pesa kiyo toli ete otikala na Efeze, zali pwete, wola ke la ba mususu kote ya makambo na bokesenete. Il avait l'autorité. Zaki na bokonzi. En tant que serviteur de Dieu, envoyé et confirmé. Lokola mosale na nzambe oyo, atingisa makimpe, andimisa makimpe. D'adresser la recommandation à certaines personnes. Peko pesa mitindo na batimusu. Dame si il s'appellerait frère ou je ne sais pas quoi. Même s'il serait célèbre, populaire d'une certaine façon, qu'il aurait une certaine influence dans l'église ou dans les églises locales, mais il faut garder la ligne doctrinale originale. Et bien qu'il y avait beaucoup de prédicateurs à l'époque, Paul n'a pas fait confiance à tout le monde. Il a engagé Timothée. À rester là-bas. Et il lui dit, recommande à certaines personnes. Quelles par exemple. Qu'ils arrêtent d'enseigner d'autres doctrines. Vous trouvez que dans les milieux des prédicateurs, il y a des fois des confusionnistes qui ne sont là qu'à faire du bruit et embrouiller les âmes. Mais ce que Dieu veut, c'est d'une église établie. Que ce soit au plan universel ou dans un lieu donné, au plan local, Dieu veut d'une église établie. C'est la pensée de notre méditation ce soir. Dieu veut d'une église établie. Il ne veut pas une église flottante, sans position, sans doctrine, errante, ça et là. Alors pour ça, les dispositions doivent être prises. Et parce que les envahisseurs, il y en a. Les rôdeurs, il y en a. Les maraudeurs, il y en a. Les embrouilleurs, il y en a. Les marmoulins, il y en a. Même dans les plus religieux, c'est plein. Alors il faut qu'il y ait des hommes crédibles. En qui Dieu fait confiance. En qui les hommes de Dieu également font confiance. Pour défendre la chère doctrine du Seigneur. Pour défendre la vraie parole de Dieu. Nous ne pouvons simplement pas écouter n'importe qui. Ni écouter n'importe quoi. Dieu est responsable. Et il veut d'une église établie. Alors Paul, après avoir enseigné l'église d'Éphèse pendant 3 ans, il n'a pas voulu la délaisser comme ça et partir dans les voyages missionnaires sans savoir quand est-ce qu'il reviendrait. Il avait invité les anciens de l'église et il leur adressait des directives. Il tenait à ce que l'église du Seigneur soit établie et stable. Voyons ce qu'il a fait dans Actes chapitre 20. Le verset 17. À 21. Acte 20, verset 17 à 21. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. La même église d'Éphèse. Lorsqu'il fut arrivé vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous. Et c'est là qu'il bango kokoma na ye. Alors bien bango eti. Bino. Boebi motindo na ngai kati na bino tango nyosu. Longwa na mokolo na liboso, iluboki ngai awa na Asia. Servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitait les embûches des Juifs. La salle est une colo, la cosse comme un nionso, la motema, la pinsoli, pe, la bimekeli, bimelake, ngai, pona, nyango, la bayuda. Vous savez que je n'ai rien caché de ce que vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Na banga kite kosa kole bino makambo makoki kusunga bino. Mpe kola kisaka bino na kati na koyanga na pe ndako na ndako. Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Pas l'adhésion. Pas les adhésions. Mais la repentance envers Dieu. La patola qui n'a pas eu de peine à bailler. Ni cambo n'a pas bon ou la mitama et paille dans Zambé. Fait qu'on y met en colonne à Bissou Yesu. Il ne cherchait pas le grand nombre localement. Il n'avait pas établi les objectifs mensuels et annuels du nombre de l'effectif de l'église. En janvier, nous sommes 40. En février, nous devons être 52. À la fin du mois de mars, on doit être à 70. Alors, globalement, à la fin de l'année, nous devons être 120. Ce n'était pas ça la préoccupation d'un homme envoyé de Dieu. Ce qu'il voulait, c'est des cœurs qui se répandent. Ce que lui voulait, c'est ce que Dieu voulait. Aujourd'hui, la préoccupation des hommes d'église est ailleurs. Il se trouve spéciaux à partir du nombre des gens qui viennent dans les églises. Il faut se demander quel genre de vie mène-t-il. Pourquoi seront-ils leur éternité? Là, c'est le moindre de leurs soucis. Ils veulent d'un effectif gonflé. C'est bien d'en avoir beaucoup, mais c'est mieux d'avoir la qualité. Mieux vaut deux ou trois qui sont réellement chrétiens, nés de nouveau, que d'avoir 258 il est généré. Je suis responsable de ce que j'ai dit là. Amen. Tous les dirigeants sont les candidats de la GM. Ils peuvent faire leur folklore et toutes les apparences d'une religion, les pratiques religieuses, des offrandes, des contributions, des assistances sociales, des bénéfices et natations qu'on sort, mais ils finiront par la prédiction. Alors, comme on le dit ce mercredi, c'était la conversion à Dieu qui est portée. Vous devez se convertir au Seigneur et non pas au christianisme, pas à une église locale. On se convertit au Seigneur. On prend son père, on le donne au Dieu, pour nouer une relation privilégiée avec lui. Une relation profonde avec le Dieu vivant. Il peut te parler, tu peux lui parler. Avec lequel il est ton père et toi tu es son fils. Et que cela a pour base fondement la parole écrite. Toutes les expériences sont conformes à la parole. Chaque chose est conforme à la vérité. C'est ce que le Saint-Esprit veut sur la terre. Qu'est-ce que Paul prêchait? La repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 26. À 31. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Après avoir dit, je ne vous ai rien caché de ce que vous étiez utile. Mais il faut comprendre un point important de sa parole et que moi j'ai caché ça. Sinon, je garde ça pour moi-même. Loin de là. J'ai toujours essayé de vous donner le meilleur que je sais, de la part de Dieu. Pour l'expérience du salut, pour l'assurance de la sécurité éternelle, la véritable vie que Dieu a promis. Je vous l'ai prêché à nous. Pour vous aider du mieux que je peux. Non pas que je vais te dire quelqu'un à la main pour dire, allez toi, entre au ciel. Je ne suis pas celui qui veut bousculer quelqu'un. Je retrouve par chute libre au ciel. Je suis prédicateur pour annoncer l'évangile. La seule chose qui puisse nous aider, c'est la parole qui est présente. Et pour que nous la présentons, elle est entre vos mains. Qu'est-ce que vous de cette parole? Quand nous l'avons confiée, vous négligez, vous venez y hanter, vous pouvez faire tourner les pouces, faire de la religion, faire du chrétien, faire du frère, selon l'apparence, nous serons purs de votre sang. Ce qui vous arrivera, ce n'est pas à nous imputer. Si la parole qui devait vous être dite vous a été correctement présentée, vous devenez obligé d'appliquer l'évangile. Amen. Comme dit Frère Brenan, lorsque Dieu oint des prédicateurs pour qu'ils prêchent l'évangile, Dieu s'attend à ce que vous appliquiez la parole. Pour ce qui est de l'onction, il oint ses prédicateurs. Pour ce qui est de la matière qui doit nourrir l'âme, il la place dans ses prédicateurs. Et le prédicateur, malgré et contre tout, il vient aussi se sacrifier pour délivrer le message divin. En privé comme en public. Actuellement, même au téléphone. On a la possibilité de communiquer en direct. Et de vous adresser certaines vérités orientées vers vous. Qui vous concerne directement dans tel ou tel sujet concret. Alors, par la suite, si vous n'appliquez pas, vous trouvez les problèmes de Dieu ou des prédicateurs. Paul dit, je vous déclare aujourd'hui, et je suis pur de votre sang, de vous tous. Je fais ce que je devais faire en public et en privé. Car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu, sans en rien cacher. Que faire pour avoir le Saint-Esprit? Nous vous répondons. Que faire pour naître de nouveau? Nous vous répondons. Que faire pour plaire à Dieu? Nous vous répondons. Mais que faites-vous après ça? Croisez les bras. Continuez à dormir, faites des yantés et faites n'importe quoi. Mes chers amis, vous ne pouvez pas adhérer à l'église du Dieu vivant. Vous devez y naître. Ça, la naissance, tu ne finiras nulle part là. Dans la perdition. Nulle part, c'est Dieu. Chacun doit naître de nous. Mon frère, ma soeur, tu dois naître. Ne prétends pas être déjà né. Tu dois naître de nouveau. Ne te contente pas de dire je suis né. Tu dois naître de nouveau. Et c'est la parole qui doit vous le confirmer. Lorsque votre vie est conforme à tous ces gars. Au genre de vie que même ceux qui sont nés de nouveau. Votre vie là, que vous menez chaque jour, doit être conforme à ce que la Bible enseigne au sujet de ceux qui sont nés de nouveau. Tant qu'il y a des différences remarquables, tu ne peux pas te reposer sur tes oreillers. Amen. Il y a encore la place à l'autel. Il y a encore des sangs sur l'autel céleste. Les péchés peuvent encore être pardonnés. Les prières peuvent encore être entendues et exaucées. Ne perds plus le temps dans les futilités. Rachète tout le temps perdu. Donne ton cœur à Dieu même. Donne-lui ton cœur tout entier. Pour Jésus. Voilà le temps pour Jésus. Ne fais pas comme Zachée l'homme d'affaires. Il était très occupé à faire les affaires, à reproduire les intérêts d'argent et tout. Zachée l'homme d'affaires. Le frère Bernard dit, mais il n'avait pas du temps pour Jésus. Toutes les réunions de club de Kiwani, là il ne manquait pas, il devait être présent au club de Kiwani. Il y a une réunion de Rotarat, il doit être présent là-bas. Et on dit que les réunions de francs-maçons aussi, ça aide à pouvoir s'ouvrir dans les affaires, avoir une puissance financière, ou même politique, une influence politique. Il les voit là présents là-bas. Il ne veut rater aucune occasion de réussir, de prospérer, financièrement, matériellement. Mais cet homme d'affaires n'avait pas du temps pour Jésus. Abraham nous dit que sa femme s'appelait Rebecca. Elle avait déjà reçu la grâce d'entendre et de connaître Jésus. Alors moi j'avais du temps pour Jésus. Du temps pour la prière et du temps pour les choses de Dieu. Elle tourmentait continuellement son cœur. Elle tourmentait continuellement son cœur. Pour la situation de son mari. Elle présentait les requêtes au groupe. Veuillez prier pour mon mari s'il vous plaît. Je pense qu'il doit être un enfant de Dieu. Mais il n'a pas du temps pour Jésus vraiment. Même s'il essaie de commencer à lui parler, oh là, c'est quoi ça? Et tout. Il n'a toujours pas du temps. Tout le temps, il a des réunions d'affaires. Les programmes financiers. C'est le projet. C'est l'investissement. Et que faire pour tirer le meilleur avantage? Grand préoccupé. Par ce qui restera lorsqu'il mourra. Mais notre sœur Rebecca, que son âme repose en paix. Elle suppliait le Seigneur pour l'âme de son mari. Un jour, elle lui a adressé une invitation. Il dit, ah, bon, écoutez, toujours évasif là. Toujours il n'y a pas trop. Mais c'est Rebecca à persévérer, il ne s'est pas découragé. Et là, il a insisté. Mais l'homme n'est pas prêt toujours pas trouver du temps. Oh, c'était le réunion. Allez là que tu es dit là. Est-ce que la parole pour nous finisse à quel moment? Oh non, Jésus, on sait seulement les suivre. Hein? Quand ça commence, on le sait. Mais quand ça termine, il ne nous a jamais dit. Il quitte ici, il va là-bas. Et puis après ça, il va là-bas. Après ici, il va là. Des fois, c'est 20 heures. Il nous laisse, il part prier en brousse. La réunion est terminée. Il n'y avait pas d'horaire fixe. Qui est capable de suivre Jésus? Nous voyons des réunions modernes. Début, RTL, fin RTL. Je connais une église, il y a une église quelque part là. Mais quand les pasteurs osent seulement dépasser même de 5 minutes l'heure prévue pour arrêter la prédication, des frères sortent en tapant du pied, en grimaçant même dans les couloirs déjà. Tu penses que tu vas terminer la Bible aujourd'hui? Bon, dites-moi, des gens comme ça, ils vont entrer au ciel pour y faire combien d'années? Parce que déjà, le lieu où l'évangile est prêché, ils n'y supportent pas demeurer là-bas longtemps. Mais quand Dieu va commettre l'erreur de les amener au ciel, ils vont supporter d'y rester pendant combien de temps? Mais ils vont vite fuir là-bas pour retourner dans leurs affaires. Oh là là. Et le pasteur est tout confié, est obligé d'arrêter. Et ils sortent nombreux, vous pouvez même les vivre, nombreux m'a apporté. Et dehors, gazons, et puis gaz, c'est très fort. Et pour vous montrer le constatement. Il devait respecter la minute, et là, ça n'a pas compris. Et c'est mon mot, c'est au Canada. Jésus, il tenait les réunions pendant quelques heures. Et Yassou, Abadaki, côté Yanangongani, il peut que ce soit le cas. Alors, lâchez l'homme d'affaires en voyant ça. Ah, non. Vos réunions là, nous, nos réunions sont bien organisées. C'est la réunion de Kiwani doit commencer à 16h. Et qu'elle doit finir à 17h30. 17h30, hé, les temps sont les gens prêts. Faut arrêter. Mais c'est nous, on a d'autres gens pour aider. Miséricorde. Mais ces jours-là, toutes les invitations qui étaient restées lettres mortes, un jour, Jésus devait entrer à Jéricho. Zachée était quelque part là dans une réunion. Il entend juste les bruits. Qui m'a donné ma querelle? C'est qui là, c'est pas gagnant. C'est ta mort, il y a des gens. On lui dit que c'est Jésus qui. Jésus de Nazareth qui parle. Yes. Il est sorti vite. Il monte sur un sycomore. Il va se cacher dans les branches d'arbres. Il prend les feuilles, il cache au visage comme ça. J'attends juste quand il va passer en dessous, comme c'est sûr, il va passer par là. Dès qu'il atteint ici, j'ouvre et je regarde à quoi il ressemble. Ma femme m'a trop embêté pendant longtemps, aussi de cet homme ici. Na bongo lokola na bomba mena yebi eta kulika na nzela oyo na bongo tango kukoma na ibi ya kulekawa na kufungula makasa na tala yeso kwa za lolenga ni pwete mwasi na ngapa tungisi nga ipo na mutango so kwa za lolenga et puis après je vais me cacher il ne verra pas na simangana je vais continuer dans ma voie après tout j'ai ma religion déjà organisée et ma femme qui est toujours là des fanatismes des femmes ils suivent des mouvements cet homme est venu et puis il commence à m'embêter pour que j'aille là nous sommes des croyants stables depuis longtemps ça c'est l'homme d'affaires. Il se croyait être un fils d'Abraham. Mais pas sa religion. Non. Il est resté là, en train de s'impatienter que Jésus arrive. Mais je sais aussi qu'il avance. Un moment, il s'arrête. Le corinthien, il s'est arrêté encore. Encore une fois, nous voyons quelqu'un là-bas, un estropié, avec une main déformée. Mais il est sur lui, c'est quoi? Après, il le place encore. Après, il s'arrête. On est encore arrêté. Le corinthien s'est arrêté. Je se déplace encore, il avance. Jésus attend les donc maintenant il a fait la lutte. Jésus savait ce qu'il faisait. Il connaissait que Zachée était caché là-bas. Mais Zachée ne le savait pas. Il surveillait seulement le cortège comme il approchait. Bientôt je vais le voir. Finalement, Jésus traverse maintenant l'ombre des sycomores en dessous. Le cortège est entré là-bas. Alors Zachée commence à écarter les feuilles. Bien voir du sommet de la tête jusqu'au pied de Jésus. Qui est cet homme? Comme il était le petit Isaïe, il s'est dit, si je reste ici, les géants, toute la foule va m'empêcher de le voir. Je devais monter pour le voir du dessus. Qui est-il? Comment il est finalement? Jésus, quand il est arrivé en dessous de la branche où était perché Zachée, Zachée était surpris, Jésus s'est arrêté. Oh, il s'est arrêté. C'est quoi? Il n'a pas vu quelqu'un à côté en train de poser un problème. Oh, maintenant c'est quoi? Appelle ma autorité. Moi je suis ici, mais lui il est là. Qu'est-ce qu'il fait? Il voit juste à un moment Jésus relever la tête. Oh, Jésus maintenant regarde. Et il le fixe. Et il appelle par son nom. Mon Dieu. Et puis il dit, Zachée. Mais il connaît d'où? Est-ce que c'est ma femme qui est allée lui dire, lui amener mes photos? Zachée, personne. Zachée, quitte. Je vous dis que la voix du Seigneur, l'appel du Seigneur, a une forte influence sur nos âmes. Dès ce moment-là, Zachée a oublié tous ses programmes. Mon son empressement est tombé dans l'eau. Toutes les réunions d'affaires oubliées. La voix du Seigneur sanctifie. La voix du Seigneur nous attire fortement. Elle réfléchit notre volonté personnelle. La voix du Seigneur m'appelle, prends-toi et viens chez moi. Je réponds, sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi. Jusqu'au bas, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi, pour y revivre, à toi, Jésus. Voilà que lui n'avait pas du temps pour Jésus, mais Jésus a eu du temps pour lui. Toujours occupé, toujours empêché. Mais Jésus a eu du temps pour lui. Kasi Yesu azoki tango pona ye. Le souffle de vie qu'il avait tout le temps, c'est même Jésus qui l'a lui donné. Amen. La santé physique lui permettait de partir par toutes ses réunions. C'est lui-même Jésus qui lui donnait la santé. La force qui lui permettait de se déplacer pour atteindre telle réunion, tel rendez-vous. C'est le même Jésus qui lui donnait cette force. Mais lui n'avait pas du temps pour Jésus. Mais ce jour-là, Jésus a eu du temps pour lui. Un temps supplémentaire. Au-delà du souffle de vie. Au-delà de la bonne santé. Au-delà de la force physique. Au-delà des mouvements du corps. Il lui donnait sans cesse. Il lui tient encore arrêté. Il lui a trouvé du temps. Oh, combien il est bon. Et combien nous sommes mauvais, nous. Nous sommes si méchants et différents. Nous sommes occupés par les temps de prière. Nos prières toujours pressées. Tu veux vite arrêter pour aller toujours aller. Mais Jésus a du temps pour toi. Laisse que sa vie te prêche. Que sa bonté te prêche. Que sa bonté te pousse à la dépendance. Que ça te pousse à un changement. Trouve du temps pour le Seigneur. La Bible a dit rachetez le temps. Quand les choses sont mauvaises. Nous devons racheter le temps. Très important. Cet homme a été fortement touché. Et il est vite descendu. Jésus ne s'est pas arrêté là. Alors qu'il était dans son cortège faisant son chemin. Il lui dit, il faut que j'entre aujourd'hui dans ta maison. Lui n'avait pas du temps pour Jésus. Mais Jésus a disparu tous ses autres programmes. Pour rentrer jusqu'à la maison. Si après ça, un cœur ne change pas. Il n'y aura plus rien qui pourra changer son cœur. Tout ce que Dieu fait pour ta personne. Vous pouvez répéter. Ça ne peut pas te laisser la même. Chaque jour, tu dois changer. Mon cher ami, mon frère, ma soeur, tu dois changer. Rentre en toi-même. Tu dois changer. En beaucoup de choses. Tu dois changer. C'est important. Il est entré chez lui. Et puis, lui a commencé à parler de ses bonnes œuvres. Et moi, vous savez, dans ma religion, essayez de montrer à Jésus qu'il est quand même aussi quelque chose. Si je commets une fraude contre quelqu'un, je lui fais la restitution au quadruple. Je suis rendu coupable d'une chose. Jésus a coupé court à tout ça. Voilà le zèle que nous donnent les religions organisées. Nous ne sommes pas réellement sauvés, mais eux, ils nous assurent à cause de bonnes œuvres d'avoir quelque part un avenir, une espérance. Jésus dit ceci. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Autrement dit, ces bonnes œuvres-là que tu relates, les bons comportements du point de vue moral, les savoir-vivre, avec ta logique-là, tout ça ne t'avait pas sauvé. Ton âme était encore perdue. Mais s'il y a parlé du salut, il est dans cette maison. Et pour toi, c'est aujourd'hui qu'il est entré. Pensez-y. Il pouvait croire être déjà sauvé depuis longtemps. Parce que sa religion lui faisait croire. Mais ce salut-là, Jésus ne le reconnaissait pas. Plusieurs serviteurs sont encore dans cet état-là. Ils se croient sauvés. Mais Jésus ne connaît pas leur salut en question. 10 millions, nous, chers amis. Avant qu'il ne soit trop tard pour le faire, 10 millions, nous, déjà, pour vérifier chaque expérience. Recevoir le témoignage de lui-même au sujet de ce qui nous concerne. Ce qui concerne ta seule âme. C'est ce que moi je veux. Par les assurances d'un pasteur consacré. Pendant qu'il n'y a pas de nier aux amours ensemble. Ça a fait un homme de la terre. Peut-être que lui ne sera rien à faire. On ne sait jamais. Mais je veux que Jésus lui-même. Mais regarde du haut des cieux. Que lui-même me dise qu'il m'a pardonné. Est-ce que donc mon expérience il pardonne le péché? C'est ça l'évangile à l'ancien monde. Sorcier dysfonctionnel. Sorcier de cet appareil-là. Sorcier de prétention religieuse. D'affirmer ceci et cela. D'avoir déjà réussi ceci et cela. Alors que Jésus n'en sait rien. Auprès de lui, il existe des expériences autres. Amen. Ne me dis pas, je suis déjà baptisé d'eau. Le Brana me dit et reconnaît que nous, prédicateurs, nous n'arrivons pas à faire le meilleur triage. Amen. Mais c'est Dieu qui fait le triage. Amen. Il dit, c'est que sont morts en eux-mêmes qui sont censés s'ensevelir dans les eaux des baptêmes. Mais il nous arrive, nous prédicateurs, trop souvent, d'ensevelir, de baptiser des gens qui sont trop vivants. Amen. Mais Dieu, si tu bâtis ça, tu fais ça dans mon combat, ma frère, n'a pas fait. Il y a un débat assemblé local des Saranigues. Trop d'hypocrisie, de jalousie. Trop de querelles, d'hypocrisie et de conflits. Nous avons dit que pour te donner le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est là que Dieu croit. Il sert la vie. Je vais te dire que Et la porte. Le chemin de la perdition. Maintenant le Seigneur, c'est vrai, il a dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Efforcez-vous, dit-il, d'entrer par la porte étroite. Car je vous l'ai dit, plusieurs chercheront à rentrer, mais ils ne le pourront pas. Et vous savez que depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume de Dieu est annoncé. Et ce sont chacun usé de violence envers lui-même, contre lui-même, pour y entrer. C'est vrai que ceci trouve place dans ton cœur. Pour que cet évangile soit appliqué. Quand Dieu ouvre les prédicateurs pour qu'ils annoncent l'évangile, Dieu s'attend à ce que vous appliquiez la parole. Et il y a du temps pour le Seigneur Jésus. Arrêtez de délaisser mon Jésus comme ça. Négligez dans vos maisons. Négligez dans vos bureaux de travail. Tout le chemin au dimanche. Dans les marchés publics. Même là au champ. Mon Jésus est délaissé. Comme un sans valeur. On lui donne pas l'honneur. Et c'est pas des gens qui se disent chrétiens. Honte à nous. Il est temps de revenir avec larmes pleurant à Dieu. Il est temps de crier au secours. Voir qu'il est la paix sur la prise en portable. Nous n'avons pas les doigts de la néglige contre de lui offrir le service de l'enfer. De lui présenter des prières de médiocrité. Toujours pressé, tiraillé. Sans profondeur ni sérieux. Les choses doivent changer. Elles peuvent changer. Béni soit le Seigneur. Que nos âmes puissent se rapprocher de lui. Hein? Il ne veut pas de se faire toujours tirailler, flottant ça et là. Je veux une église établie. Et des croyants établis à la foi. Solidement établis à la foi. Sachant ce qu'ils croient. Connaissant les promesses du Père. Marchant dans sa volonté. C'est ce que Dieu veut. Nous y a un tâche facile. Rendons la tâche facile au Saint-Esprit. pas des barrières, des obstacles pour l'empêcher d'agir sur nous. À cause des piclages. De la rigidité pour être trop collé à nous sales habitudes, nos sales habitudes. Trop rigide pour changer. Mais c'est tout un problème. Un être humain vivant, il est flexible. Tous les membres du corps que Dieu a donné à ce corps sont flexibles. Et pourtant, c'est pourvu des articulations. Vous voyez partout là, ça peut fléchir, ça peut s'extraire. Et la flexion, les deux mouvements. L'écartement des doigts, les rapprochements. Et les bras, et tous les mouvements, ça peut. Mais laissez que ce corps devienne cadavre et un moment. Et dès qu'il meurt, tous les membres deviennent rigides. Et tu vas prendre même le bras ici. Tu essayes de redresser. Il est en train de se faire. Rigidité cadavérique. Rigidité. De quelqu'un qui n'a pas de vie. D'accord, sans vie. Plusieurs sont dans les églises comme ça, morts dans le péché. Mingi basale na kreche bango pakusikati na. Il bouge pas pour Dieu. Sako ningana tapo. Kaiso dire son dire son tout la lou. Sako baba ni makamana zangu ya bosito bandi. Pour ce qui est fait dire toujours rigide. Voilà pour ça la voilà pour le jour de l'enfer. Ça si to pas pour les bouts. Mais on est pareil. Quand il s'agit de rendre service à Dieu, c'est que comme il dit comme ça la la bien que la parole de Dieu, comme ça la comme la moi le jour rigide comme ça. Et cela provient de la vie du péché. Ils sont nés comme ça. Nés pécheurs. Rigides par rapport à la vérité. Mais quand la grâce de Dieu touche là, même sachez qu'il n'avait pas dit ça pour Jésus. A tout oublié pour se donner à lui. Il est entré dans cette cadence des affaires de ce qui exige Jésus. Donc c'est ça sur le bon. Donc il est, nous avons une réunion ici. Il est entré aussi. Apporte un programme de travail. Il n'est plus là. Il sait que le Seigneur va s'en occuper. Car il en donne autant ce Dieu de mes pendant leur sommeil. Quand tu recherches d'abord le royaume de Dieu et sa justice, lui s'occupera du reste de tes besoins. Makambo yankolo kota. Amen. Kota ngo pesana bosido. Sika ko sala toujours likolo likolo. Neti tango medite parole ezalakate, franko yo kamateo toujours kao. Ezalakate, même ça ko noté ba référence ya matia. Ezalakate, ofanda ka wa rigide na kat église. Même ko prendre note incapable, cadavre. Attaque Dieu a donné l'esprit de vie au corps d'Adam comme on l'a entendu hier. Quand nous avons appelé ça qui, nous avons dit que Adam a été cadavérique. Le corps là qui était cadavérique. Qui était inerte. Inamovible. Sans mouvement. Ne rien. Et ce qu'on a commencé à bouger. Quand Jésus-Christ, la résurrection et la vie. Il a pointé devant les tombeaux de Lazare. Le corps de Lazare était aussi inerte. Mort sans vie. Mais il a parlé à un cadavre comme on parle à un vivant. La voix du Seigneur a appelé un mort. Le mort a entendu pour répondre immédiatement. Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles sont. Il est le créateur et il a tout pouvoir partout. Il a pouvoir et influence sur sa vie personnelle. C'est Lazare qui était inamovible, inerte. Il s'est levé dans son état où il était. Mais ça j'ai toujours aimé. Hein? Il ne s'est pas soucié de lui-même. Pour s'est détrapé. Non. Lazare sort. avec les draps dans lesquels on avait enveloppé. Et on obéit mon Seigneur. Je sais dans lequel je suis. Et c'est un bloc de cours. Il vient se présenter devant le Seigneur. Maintenant, regardez les gens qui étaient autour. Quelle réaction, quelle panique. Ah, ça, c'est du jamais vécu. Oh, non, non, non, il est l'auteur de miracles authentiques. Des expériences merveilleuses et originales. Le Seigneur fait bien tout ce qu'il fait. Voilà ça la commande. C'est après qu'il a dit aux autres, déliez-les. S'il n'avait pas parlé, personne n'allait les toucher. Et ce soir, on va quitter mon côté à l'ingamamaï. Non, nga. Alors, le côté. Na poussa na na yubembe. Et l'ingami na badra. Et bimika na l'ingami na badra. Nga y'a n'a pas ouais, pas David, pas moi. Nga y'a n'a pas dit. Nga rose la yalob. Amen. Pourquoi? Quand il parle, il donne à travers ce qu'il dit un pouvoir, une capacité pour vaincre la peur, vaincre les doutes, vaincre les hésitations, vaincre les murmures et vaincre toutes choses. Amen. Dans ce qu'il nous dit, il y a tout ça. Faites ça tout seul le dit, oh y a des colombes en l'air, qu'on fait ce beaucoup, qu'on fait ce macassi, qu'on fait ce nyonso sengeli ponete, on l'ont nyonso italiana. Alors, ils ont eu le courage. Vas-y, mon piquenique. Je vois bien la pasteur. Ah. Quelqu'un qui était mort, hein? Au lieu de le fuir, ils ne l'ont pas fui. Baki baki ete. Mais ils sont venus parce que le Seigneur a parlé. Bah, y'a tout pas tel quoi. Très bien. Vous allez maintenant dans les habits, retourne chez toi. Yé moko arate, zongandako. Cadavre déjà enterré depuis 4 jours. Ete bembo ba kunda kere kibi kolo. On les voit encore traversant les mêmes avenues. Ba mweni yoko ba tabana na ba balabala moko. Il arrive dans une boutique grasso, il dit. Ete komina ishika nzele kutani. Adieu, rien n'est impossible. Et pas dans un bel kambo, pas ses amis. Si tu penses que ceci n'est qu'une fiction. Soko kanisha te zali neli sa po ba bete liyo. Alors que ton propre corps est une fiction. Na bingu kolo bete yé moko ne kutani wana. Mais si tu penses que ton corps est une réalité, alors les témoignages de la Bible sont des réalités vivantes. Amen. C'est des choses réellement vécues. Amen. Amen. C'est écrit pour asseoir notre foi. Amen. Et comment même pas notre vendre sa pensée. Non pas pour imaginer notre foi, mais asseoir cela. Et ça ne sait pas pour qu'elle soit comme sur des bases solides et réelles. Mais papa, il y a ma casse qui paye ça là. Que le nom du Seigneur soit béni. Voyez-vous ça? Dieu est capable. Notre Dieu peut tout. Sa grâce, par sa parole, touche sur ton cœur. Pour donner à ce corps inerte, inactif, dans les affaires du royaume de Dieu, qui lui donne un mouvement, qui lui donne des aptitudes. Il faut un esprit fénateur, un esprit de vérité du Dieu vivant, qui te pénètre, qui occupe l'intérieur de ta personne. Et qu'il se mette à se mouvoir. Comme au temps de la création, il y avait les ténèbres sur la surface des eaux, sur la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Nous voulons maintenant que l'Esprit de Dieu se mouve au-dedans de chacun. Vous voyez quand je prêche là, amen. Il est en train de se mouvoir ici à l'intérieur. Mais pensez-vous que ça va continuer indéfiniment si là-bas dans la salle ça ne bouge pas? Il va vous donner ce à quoi vous vous attendez. L'éducation froide comme un repas d'il y a 4 jours. Quand tu donnes, ça bouge ici, ça doit bouger aussi là-bas. Un mouvement ici, un mouvement dans l'horizon. Et cela veut dire que nous sommes en communion. Votre famille avec lui. Alors, Dieu devient votre Dieu. C'est lui de qui je parle. C'est lui à qui je parle. Ah, Amen. Nous serons dans la même dimension. Amen. Et par une telle foi, rien n'est impossible parmi nous. Si l'Église établie, le surnaturel de Dieu est une réalité. Ce ne sont pas des fictions. Les dons spirituels sont une réalité. C'est une réalité. Le message de la victoire est une réalité. La présence d'en haut est une réalité. C'est des choses qu'il faut expérimenter. Alléluia. Et dans le développement, il s'agirait au bouquin. Ça doit bouger là-bas. Amen. Le Saint-Esprit doit se mouvoir là-bas. Oui, mais ça, c'est la tête. Le Saint-Esprit ici, il est mouvé là-bas. Au commencement, il s'est mouvé au-dessus des autres. Et il n'y a pas encore personne sur la terre. Et maintenant, il y a des gens. Ce jour-là, la Pentecôte, il y avait des gens. Il est descendu du ciel. Il a laissé les eaux tranquilles. Il est venu dans la foule, dans les petits troupeaux de ceux qui l'attendaient. Un mouvement a commencé là-bas. On n'était plus dans les fleuves, les océans. Il n'était plus question de Jésus qui marche sur les eaux. Bien que ça, on peut les vivre toujours. Et on en témoignera parce que c'est réel. Mais maintenant, c'est le Saint-Esprit dans des âmes. Amen. Amen. Amen. Ce mouvement-là est d'actualité, tout à fait. Le Saint-Esprit se mouvant dans des hommes. Une portion ici, une portion là. Une portion ici, c'est le même Dieu universel. Le Dieu omniprésent, il remplit les cieux et la terre. Nous le voulons ici. Seigneur, nous te voulons parmi nous. Alléluia, alléluia. Plus que sa chair, parlons des actions comme un témoignage d'histoire. Mais prions le Dieu de Brana. Prions le Dieu de chrétiens, c'est un droit. Lorsque l'esprit se meuve encore. Moi j'aime ce mouvement. J'aime pas de qu'il était froid et formaliste. J'aime le mouvement de Dieu dans l'église. Mettant des capacités dans les gens. Mettant des aptitudes. Mettant fin à l'inaptitude. Réduisant le nombre d'inaptes. Des bons à rien, des inaptes, il n'a pas de commandement à l'autre côté. Tout paralytique, non seulement tout cadavérique, non seulement tout ça aux enfants du royaume, n'ayant pas de l'autre côté. Je veux que le nombre des actifs augmente. Toi tu diras, je suis candidat. Je le veux, Seigneur. Je ne peux rien fabriquer de moi-même. La grâce qui descend d'en haut. Je veux l'esprit de Dieu venant d'en haut. C'est de l'original. Je ne veux pas des signes soutenus. L'obligation locale. Je veux l'original du ciel. Nous disons amen. Oh, si nous restons ici ou non. Écoutez, acte 20, c'est là où nous étions, non? Acte 20, Paul, qui a dit tout ce qui était utile, et tous les conseils de Dieu, jusqu'à dire, il était pur de leur temps. Acte 20, il parlait avec les anciens. Oh, mes amis, il dit ceci, verset 28. Donc d'abord, verset 27, car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu, sans rien cacher. Nous avons aimé cette vérité. Et chaque conseil doit être pratiqué. Conseil de la parole, de la vérité, tout ce qui est utile pour le salut, doit être pratiqué. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, évêque, pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Bokeba nantina na bino penzampe, nantina na etonga mobimba oyo, molimo mosantu, asilinde kotia bino, batengeli na yango. Boza na babateli, na lingomba na nzambe oyo, somba kina makila na yemo kopenza. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, de loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. Ngai na yabiate, na sima na kolongwa na ngai, banko na yauli, bako kota kati na bino mpe, bako tika etongati. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. Kati na bino penza mpe mibali bakotele makola kisaka mateyo na kukosa ete babenda baye kolisi mana bango. Verset 31. Veillez donc vous souvenant que durant 3 années, comme on le disait au début de la prédication, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Yango wana bokengelaka te bokanisa ete mbula misatu butu na moji na tikaki te kotiakisa bino moko moko na pinsoli. Souvenez-vous, durant 3 années mbula misatu. C'était pour aboutir à cette vérité biblique que j'avais voulu qu'on lise acte 20, que là à Éphèse Paul a enseigné pendant 3 années. Ensuite il devait partir, mais Dieu voulait d'une église établie. Au plan local, il faut une église établie. Pas des astres errants, des vagabonds. Il faut des gens positionnés. Amen. Et c'est ça. Na bongo oyo na lukaki te totanga na misala mukapote kumibale tokoma na mulongo oyo misatu na moko na kolobaite Paulo atayaki migu misatu pwete Nzambe alingete kuna na Efeso ekelese tika la penza oyo evanda ezala telo kola minzoto ezali kwaya waya pamba pamba. Il a interpellé ses évêques. Mais ensuite, il a eu engagé Timothée, un ministre de la parole, à rester à Éphèse. Nasima a checké na musala, musali oyo Nzambe a siko pesa musala na ko. Avec autorité. Et na bokonzi. De recommander à certaines personnes. Na kosanga na batu mususu. De ne pas enseigner d'autres doctrines. Et batay batay mususu te. L'église doit être gardée dans la vraie doctrine du Seigneur. Cela je sais que c'est pas tellement kati na litaya musembo ya nkolo. Ça, vous devez veiller. Parce que les ennemis de la vérité viendront et ils sont dévoilés ici. Et l'église du Seigneur doit garder la vérité originale. Garder la ligne de la vérité révélée. Le message pour notre temps. Êtes-vous là? Ici, dans le sermon, une délivrance totale. Prêcher le 12 juillet 1959. Frère Branham dit ceci au paragraphe 30. Et puis nous allons aussi mettre dans un encadrement la doctrine que cette église soutient. Et je fais encadrer cela ici à l'intérieur. Dans l'église. Ce que nous soutenons. Les principes, la doctrine de l'église. Paul, en son temps, a martelé dessus. Branham, en autre temps, il revient encore. Paul on attend on a eu nzondo abetela kili kambo yo Branham on attend on a biso azongele ngoli susu lokola. Il dit pour être une église. Pour être loko e bianga ba. Nous devons avoir une doctrine. Faire la question de la mère na mitaye mboko. Vous souvenez la semaine passée? Bobanjili. On avait rappelé cela en lisant qu'est-ce que le Saint-Esprit, la prédication. Et pour être une église, na mitaye santé salimini. Pour être une église, vous devez avoir une doctrine. Des principes que vous représentez. Des principes que vous soutenez. Ici, dans la délivrance totale, la même pensée revient. Pour être une église, nous devons avoir une doctrine. Il doit être respecté par tous les participants. Tous les leaders, tous les croyants doivent respecter ça. Êtes-vous là? Est-ce que nous aimons ça? Et j'aimerais encore lire ici dans les sermons Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. Première partie. Oh, bonté divine. Hébreux chapitre 7. prêché le 15 septembre 1957, le soir. Je prends le paragraphe 78 et 79. Dans ce tabernacle-ci, quand les choses vont mal, et que vous, les hommes comme les femmes, vous fuyez pour aller ailleurs, ou que vous vous tenez à l'écart jusqu'à ce que la petite dispute ou la tension soit passée. Il y a quelque chose de faux dans votre expérience. Y a-t-il des gens pour dire la Amen? Vous allez la passer pas qu'à la mettre sur le bon moment. Oh, j'ai décidé de rester à la maison. C'est le contraire au message. Oui. L'Esprit de Dieu ne va pas faire ça. Oui. L'expérience chrétienne n'est pas comme ça. Oui. Oh, vive, je ne peux plus aller dans aucune église. Oui. Tu y es dans les faux. Ton expérience est fausse. Les croyants doivent combattre. Défendez ce qui est juste, même si vous ne vous retrouverez que seul. Continuez à défendre ce qui est juste. Frère Branham a dit, ne restez pas à la maison. Et toute l'église dira Amen. Amen. Vous ne pouvez ni justifier, ni soutenir, ni défendre quelqu'un qui décide de rester à la maison, contrairement au message. Oh, moi je le comprends. Toi, tu as une telle où tu vas amener les gens? Est-ce qu'on a besoin de tes opinions? Et que toi tu as compris, un tel, tu as compris, ça va changer quoi? La parole, c'est ce que Dieu utilisera pour juger tout le monde. Quand la parole dit une chose que c'est faux, ça reste faux. Nous devons communier à l'église. Hébreux 10, verset 25. N'abandonnez pas votre assemblée. Comme c'est la coutume de quelques temps. Mais exhortons-nous les uns les autres. Aussi sûr que nous pouvons savoir que le jour est proche. N'abandonnez pas. N'oubliez pas le rassemblement de vous-mêmes. Dieu veut que ces brebis se rassemblent en un corps. Il ne veut pas établir une autorité. Dieu n'est pas un Dieu de désordre comme ça. Ça n'existe pas. Toutes ces fausses expériences doivent être jetées à la poubelle. Amen. Amen. Nous avons besoin d'être dans la parole. Amen. Et plusieurs dans les milieux du message sont déjà égarés. Et il y a des faux prédicateurs qui les encouragent dans ce genre d'aventure. Quelqu'un qui ne veut pas s'aligner selon l'ordre biblique, et on va lui dire, oh, écoute frère, tu peux rester à la maison, tu peux goûter les bandes. Il doit communier avec ses frères. Dieu a instauré la communion fraternelle. Nous ne pouvons ni soustraire ni rétrancher cela. Ça doit être pratiqué. Jusqu'à l'enlèvement. Communion fraternelle. Ne passez pas ça dans votre vie chrétienne. Il doit y avoir foi. Êtes-vous là? Vous êtes là? Pour ça, il faut être enseigné correctement. Alors, dans cet tabernacle-ci, quand les choses vont mal, et que vous, les hommes comme les femmes, masculins comme féminins, vous fuyez pour aller ailleurs, ou que vous vous tenez à l'égard, jusqu'à ce que la dispute ou la tension soit passée, il y a quelque chose de faux dans votre expérience. C'est vrai. C'est vrai. C'est pas bon. Ici, paragraphe 79 et 80, nous avons une coutume ici. Nous avons un ordre ici. Cette église, celle que dirigeait Frère Branham, comme celle que, ici, que vous fréquentez ici, cette église est établie sur les principes de la Bible. Amen. Dieu veut une église établie. Paul en a établi à Éphèse. Et pour barrer la route aux faussaires, il a engagé Timothée, ministre de la parole, à rester là-bas. Ou même si tu sens la conduite, toi tu as des visions, reste d'abord un peu ici. Il faut stabiliser cette église. Il faut l'établir dans la foi. Et il lui a ajouté ceci, 2 Timothée 2. Le verset 1 et 2. Le Timothée chapitre 2, verset 1 et 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Amen. Stabilité et conservation de la vérité enseignée. Amen. Na bongo yo mwana na ngai wo kemba na nguya kati na ngolu na Kristo Yesu mpe yango yoki yo epai na ngai na nzela na bitato limingi opesa yango na maboko na bato na sembo ba oyo babongi kola kisaka ba mosusu. Alors, revenons à Frère Branham. Je connais la situation ici. Cette église est établie sur les principes de la Bible. S'il y a ici quelqu'un qui n'agit pas correctement, il n'agit pas bien, allez donc vers lui et parlez-lui. N'allez pas parler de lui, mais allez vers lui, parlez-lui. Il ne vous est pas conseillé d'aller parler de lui, mais allez vers lui la personne et parlez-lui. Alors toi frère, toi ne sois pas lâche. Au lieu de faire que la parole enseigne le principe de notre doctrine, mais tu commences à te laisser influencer par des histoires. Oh non, vous savez, lui je ne peux pas lui parler. Pourquoi tu ne peux pas lui parler? Tu as quel problème toi? Tu dois parler. Il faut aller lui parler. Si c'est ton frère, parle-lui. Parle-lui. C'est notre devoir. Et si vous ne pouvez pas les réconcilier, prenez donc un frère avec vous, un ou deux de plus. Et qui ne veut pas se laisser réconcilier, alors dites-le à l'église. Maintenant, si vous allez vous mettre à l'écart, comment vous allez vivre ça? Vous restez à la maison chez vous, vous priez tout seul dans la même voie. Cette parole, on va retrancher ça de votre vie? Ceux qui entreront, c'est ceux qui pratiquent toute la parole. Ne vous mettez pas dans des conditions où l'évangile est pratiqué partiellement, à moitié. Vous devez vivre le plein évangile. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de toutes les paroles qui sont dans la bouche de Dieu. Chaque parole doit être faite. Là où il dit, va dire à l'église. Maintenant tu vas faire quoi? C'est une partie de la parole. Il faut se tenir à l'écart, vous offrez un yomoko. Bon, maintenant, l'étape suivante, c'est quoi? Maintenant, on monique, on s'amène à Zoshajete. Tu vas l'aider comme à toi, à qui Dieu a donné les yeux pour le voir dans cet état. Non, tu n'as pas d'église toi-même, tu ne parles pas à l'église toi-même. Parce que tu es rétrograde. C'est ça les mots que tu mérites. Tu es rétrograde. Tu ne vis pas la parole. C'est ça le problème. Nous ne devons pas rétrograder, mais nous devons progresser. Non, tu as vu, frère tel, il commet le péché. Ah, vraiment, c'est mon frère pourtant. Tu vas nous s'amener, tu seras comme un colo, tu l'as fait le sein. Maintenant, comme il y a un thème, oh Seigneur, Ningolobaki, ce que mon inde kuna, soumoukali, soumoumala, yuate, sambela ponaï. Oui, c'est bien. Mais il est aussi écrit. Et comment il peut le soussou? Va lui parler. Va le redresser. Et si tu n'arrives pas à les gagner, il y a une établissement de la parole dont tu vas devoir l'application. C'est ce frère de deux ou trois frères. C'est ce frère qui va les prendre avec l'église. Toi-même, tu n'as pas d'église. Parce que ton église est devenue les bandes. Voyez ça. La perversion. Nous devons faire attention à l'esprit des mensonges religieux. Pour nous faire une apparence de spiritualité, mais qui tape à côté. Ce qui n'est pas conforme au message doit être rejeté. Nous sommes combattants de la foi restaurée. Combattants de la foi restaurée. Amen. Ah, voilà. Nous sommes dans les principes. Que Dieu vous bénisse. Beaucoup de mains, vous qui suivez la prédication. Beaucoup de mains ici, hein. Sont levés. Côté de frères et de sœurs. Tout le monde doit être comme ça. Combattant de la foi restaurée. Passez sur les principes de la Bible. Mais pas nous ne pouvons nous rassembler. On ne peut pas effacer son verset. Nous ne devons rien être en chose que Dieu a dit. Tu aimes la vérité? Amen. Dieu ne veut une église établie. Commence à flotter à toutes les opinions. Ça devient les nouvelles doctrines à défendre. Devant, mi-pépé. Il y a une période où il faut. Non, vous ne pouvez pas suivre tout ça. La parole du Seigneur demeure éternellement. Si une chose est obligatoire aujourd'hui, c'est obligatoire aussi hier. Tant que c'est dans notre âge, ce qui est obligatoire est obligatoire. Vous entendez? Du vivant, du messager et maintenant. La vérité de Dieu demeure. Nous n'avons pas besoin des exigences nouvelles parce que c'est l'opinion d'un tel ou d'un tel là-bas. Où lui trouve que c'est comme ça? Les exigences nouvelles. La parole est déjà établie. Le message est déjà prêché. Il est là dans les bandes de brochures. Pas besoin de nouvelles choses. Nous voulons cet ancien évangile. Donne-moi l'ancien évangile. All the time religion. La religion du bon vieux temps. Donne-moi ça. C'est ce que Branham réclamait. C'est ce que nous aussi nous réclamons. Les principes de la Bible. Oh non, votre église doit faire ceci, elle doit faire ceci. Montrez-moi ça dans la Bible. Ok. C'est là que plusieurs ferment la bouche. Il ne peut pas vous montrer l'exigence qu'il veut vous brandir là. Hein? Vous devez faire ceci. Nous ne devons faire ceci. Où est-ce que Dieu dans la Bible a dit que vous devez? Faire ce que vous dites. Nous devons plaire à Dieu, non aux hommes. Tous ces petits vents doivent être rejetés. C'est clair? Oh, vous devez mettre la connexion chaque fin du mois. Krefeld. C'est écrit dans quel verset, connexion chaque fin du mois? Obligation. Nous sommes libres de le faire, mais pas obligés de le faire. Ne commencez pas à nous obliger, parce que la Bible n'a pas obligé. Voilà. Quand on répond comme ça, bango. Ils doivent être ici, cela. Taxez-nous comme vous voulez, nous sommes les croyants de la Bible. Principe de la Bible. N'ajoutez rien et ne déformez rien. Bon, il y a une assemblée qui ne met pas les bandes du prophète, ce n'est pas une assemblée de messages. C'est écrit dans quel verset? Et c'est dans quel verset que vous avez ça? Et comme il Je ne vais pas froisser les sentiments, mais nous devons dire la vérité. Même ça va te passer si ton poids est là-bas. Si tu y en as, pourquoi tu vas trembler? Amen le verset. Ou tu vas commencer à baver, comme on voit ces amis-là, avec lesquels on a débattu des nuits blanches. Il se met à baver, au moins, pembe bimitiao. Moutoua koki, ou loba loba et tous. Mais ça ne colle pas. Frère, mais ça, ça ne va pas. Je vais te faire voir, je me situe à la nature d'aigle. Oh non, ne commencez pas à mystifier les choses. Il n'y a pas de problème de nature d'aigle ici. Vous devez montrer la vérité. Le vétéran de cette église. Ça fait des années, des nuits blanches avec des frères. Beba, à bandit citation, bimisa. Oh, Kingan, tous les gens, référence pour ce que nous sommes, zoa. Oh, mais il y a une livre, non, c'est ça, zoa. Monsieur, si vous faites un par cœur, tu poitiens, par cœur. Oh, mais si tu as un message, vous avez toujours des illusions. Vous pensez qu'on ne connaît pas le message, hein? Vous imaginez des histoires et vous trompez les gens. Ça noce le dos. Maintenant vous nous avez en face. Prouvez la vérité maintenant. Il y a des gens qui transpirent. Hein? Je vous dis frère, j'ai vu des frères baver jusqu'aux oreilles. J'ai vu des frères, dans le débat, 2h du matin, 4h, mis son frère David au fond au matin. Tous au siège de la citation après citation. Au lobby, on peut verser qu'on a. Après ça, on te examine, on te regarde. Voilà, on s'oublie. Quelle est ce qu'on cause? Quelle est ce qu'on cause pour comme la vision? Allez nous dénigrer et dire des mensonges. Comme ça, on vous a aidé. Des esprits séducteurs. Et trompeurs. Mais les cœurs doivent se répentir. Hein? Nous devons mener la vie chrétienne. Je vous dis la vérité, mes amis. Cette église est établie sur le principe de la Bible. On dit bien de là. Elle est là. C'est son Dieu libre ici. Il ne déforme pas le sens de cela. C'est la Bible ici. Si on veut nous ouvrir ici, dans quel livre, dans quel épître, dans quelle référence, le principe là est là. Ok. C'est important. Donc, quelqu'un qui s'est méconduit, vous allez lui parler. Si vous n'arrivez pas à les réconcilier, prenez donc avec vous un frère, avec vous un ou deux de plus. Ça, c'est Matthieu 18, non? Ce que nous disons des frères Branham ici, c'est dans Matthieu 18, verset 15 à 18. Vous trouverez ça comme ça. C'est là qu'on appelle ça principe biblique. Parce que frère Branham l'a dit. Mais ça y est dans la Bible, on peut ouvrir et lire ça. Et si quand le gouvernement s'est colombé, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on t'a dit, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on m'a dit, alors, s'il ne veut pas donc se laisser réconcilier, alors dites-le à l'église. Et l'église les chassera. Elle doit le faire. C'est ça qu'elle est. Et on doit connaître son statut. Il est un chasseur de l'église. C'est comme quand on déchaussait quelqu'un en Israël, ça s'est répandu aussi partout, c'est la maison du déchaussé. Balongole sapato. Qui refusait d'exercer le devoir d'héritage, de rachat. Azalaki na mukumba, soki azalaki de kulutwete, asanga la lumula oyo ya kosikola. Soki alubiete ya kosala yangote, bakotia na ikuka na isalele balongoli ye, lokolo ya sapatu. Wana sangwe tambwela maite mutongo ya sengelete, asala li mukumba oyo ya lisiku waboyo kosikola yango ba ibiti ndakwana, ya muto balongola sapatu. Se chose eteni irresponsable reconnu. Na oyo balongoli sapatu, ba ibiete mutongo, azali muto pamba penza ba ibiyo. Même chose, quand vous apprenez quelqu'un a été chassé de l'église, il est moins sérieux. C'est pas quelqu'un à écouter. Il est très sérieux. Quelqu'un de sérieux, il ne peut pas arriver à ce qu'on le chasse de l'église. Il mettra sa vie en ordre. Pour nous dire amen. Mais sur les autres, la spiritualité, on va chasser de l'église. On les trouve toujours spirituels pour les écouter. Parce que nous sommes des poules mouillées. Sa position. Tu veux bien ce que tu fais le mérite? Oui. Alors l'église les chassera et elle n'aura plus de communion avec lui. Et Jésus a dit, tout ce que vous déliez sur la terre, je les délierai dans le ciel. La raison pour laquelle vous avez tant de difficultés, c'est parce que vous ne suivez pas les principes de la Bible. Plusieurs pasteurs doivent encore réécouter ça. Plusieurs prédicateurs sont coupables de ceci. Au lieu de suivre les principes, mais ils commencent à suivre des systèmes et les manières de faire l'assemblée. On avait dit la telle église, on avait fait comme ça. Est-ce que c'est ce qu'on vous a dit de faire? Suivez les principes de la Bible. Ayez l'expérience personnelle avec Dieu. Copia. Quel est le dérèglement? Et vous nous amenez pas mal de difficultés. Si quelqu'un dans l'église cause des troubles, ou que quelque chose aille mal, votre devoir n'est pas d'aller parler de cet homme ou de cette femme. Ils ont ramené l'église. Mais non, ils ont ramené l'église. Mais non, ils ont ramené l'église. Tu dis le contraire de ce que Dieu t'a demandé. Vous n'avez pas dit qu'aujourd'hui, Bible enseigne la vérité. Revenez. Répentons-nous. Notre Seigneur ne mérite pas ce genre de service de médiocrité. On ne veut pas toujours la médiocrité. Une vie spirituelle médiocre. Vous m'avez montré mon mot pour les amabés. Pauvre. Fainéante. Ils ont gaoutine. Trop de mal, trop de complaisance, trop de règlements. Vous laissez aller. Jésus ne mérite pas ça. Il a sacrifié sa vie pour que nous soyons saints à son image. Oui. Donc si quelqu'un dans l'église cause des troubles, quelque chose aille mal, votre devoir n'est pas d'aller parler de cet homme ou de cette femme. Votre devoir c'est d'aller vers cet homme ou cette femme. Et de lui dire son erreur. Et s'il ne vous écoute pas, prenez quelqu'un d'autre avec vous. Et s'il ne veut pas entendre cela, alors l'église doit les livrer. L'église doit les livrer. Il n'est pas dit l'église pourrait examiner la possibilité de l'église. L'église doit les livrer. C'est le principe de la parole. Et Jésus dit, ce que vous déliez sur la terre, je les délierai dans le ciel. Et ce que vous liez sur la terre, je les lierai au ciel. C'est cela l'autorité de l'église. Dieu veut une église établie. Vous voyez dans Hébreux chapitre 13 que nous avons lu. Même pensée. Le verset 8 et 9. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il vous a dit, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines étrangères et diverses. Il vaut mieux que le cœur soit affermi par la grâce. Et non par les aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés. Des doctrines alimentées. C'est pas de ça que l'église a besoin. Nous voulons l'édification du corps de Christ. Par la vérité confirmée et établie. Alors vous, les membres de l'église de Dieu, vous frères et sœurs croyants, ne vous laissez pas entraîner. Mais parmi les choses, les dispositions que Dieu a prises, pour vous empêcher d'être entraîné, Il y a le ministère de Ephésiens 4:11. C'est clairement dit, c'est afin que nous ne soyons plus des enfants emportés à tout vent des doctrines. C'est pour ça qu'il a donné les uns comme, les autres comme, les uns comme, les autres comme. C'est pour que nous ne soyons plus des enfants emportés. Mais nous devons être sous la surveillance, sous la supervision de ministères établis par le Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité lui-même. Nous ne devons pas flotter. Nous devons être stables. Positionnés et fixes. Croyez-vous ça? Très important. J'aime ça comme ça. Comme Dieu aime aussi que ses enfants marchent dans la vérité. Quelqu'un m'a partagé ça. Un bien-aimé frère. Je ne vais pas citer les noms ni de l'église ni de son pasteur. Je vais laisser point à cet endroit, juste à titre d'exemple, pour voir les vents qui passent, qui circulent. Dans Kombowan église, égale double portion. Égal, comme l'église wana, Dieu dans la peau noire. C'est quoi tant comme pasteur? Hein? Frère Jean, tu lis ici. Mais Azali, tant comme pasteur. Azali Nanguya. Molimo Santo Koleka Branham. Kokende Lola et Sengeli Oyoka. Comme pasteur. Yende Azali Zela Lola. Tokoyoka Sonite. Côté ya combat passé. Branham aza na place na ye. Azampe na place na ye. Branham azali mouke. Azali mounene. Je pense que même sans être particulièrement spirituel, vous voyez un mensonge pire de bout en bout. Et c'est un pasteur qui écrit des choses comme ça. Son nom est ici même là. Un pasteur d'une église. Il est une phrase que je vous ai lise. Ah, est-ce qu'on doit nous laisser à des choses pareilles? Mes chers amis, que Dieu vous bénisse. Il est important de demeurer stable dans la foi. De ne pas écouter n'importe qui, ni n'importe quoi. On doit interdire, recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Amen. Il n'y a qu'une seule doctrine du Seigneur. La parole de la Bible. Tenons-nous debout pour la prière. Comme nous aimons Jésus. Dimanche, Dieu voulant. Ça, s'il y a même des questions, on y répondra. En est-il ainsi? Es-tu rentré en toi-même? Après les sermons doux de ce soir, les douces paroles du Seigneur pour le salut de ton âme, la purification et l'expiation de tes péchés, l'expérience de la parole. Prions chacun. Come on. sang n'a pas coulé en vain. La mort de mon Jésus sur le bois du calvaire n'était pas inutile. C'est pour des résultats dans ma vie. Je suis candidat à combattre. Combattre pour les principes de la Bible. Pour l'autorité de la parole. Dans une église établie par lui. Établie dans sa vérité. Ne flottant pas. Ne position. Prêt à combattre. Pour les justes causes. Dieu tout puissant. Nous te remercions et nous t'adorons. C'est ce que ce soir tu es descendu. Pour nourrir nos âmes bec à bec. Pour nous transférer la chaleur de ta présence. La chaleur de ta bonté et de ton amour envers nos personnes. Nous reconnaissons que tu existes. Que tu es un Dieu réel. Tout capable. Et c'est par toi que nous recevons les aptitudes et les capacités à faire ce qui est bon, ce qui est ta volonté. Maintenant, chacun s'est adressé à toi. Selon la portion de vérité qu'il a compris ce soir. Nous te prions de l'entendre et de faire suite. Que nos vies, pour la plupart du temps, deviennent un rachat du temps. Un sacrifice pour toi. Car toi, tu t'étais sacrifié complètement pour nous. C'est notre tour de le faire pour toi. Pour ton royaume. Pour ton église. Dépouillez-nous de toutes les vieilles habitudes, toutes les sales habitudes, de la médiocrité, de la légèreté, de la négligence, de laisser aller, de l'errance. Ben, nous voulons une position fixe dans la parole. Défendre les principes. Agir sur base des principes. Jusqu'au bout de la bataille. Exauce cette église. Établis-la fortement dans la foi. Que les puissances ennemies soient confondues chaque fois. À tous les assauts. Réponds par sa victoire. Tu nous as rendu plus que vainqueurs. Nous voulons l'expérimenter et en témoigner. Donne à chacun de nous les expériences conformes à la parole. Que tous les signes de Dieu soient évacués. Tous les faux témoignages viennent semer la confusion de l'évangile. Nous n'en voulons pas. Nous voulons des témoignages et des expériences conformes au message. À la vérité éternelle de Dieu. À la parole immuable du Dieu vivant. Reste avec nous, Seigneur. En le puissant nom de Jésus-Christ. Prions. Amen. Veuillez vous asseoir. Et là, que Dieu vous bénisse richement.